vieux marin n'est plus, et nul ne viendra le pleurer. Ni un ami, ni une femme seule, la vieille barque en bois, comme une veuve, est restée là, couchée sur le flanc, dans le sable. La vieille ancre rouillée, les avirons, le lourd filet, seul témoin des joies et des larmes, autant de souvenirs de tous les jours qui dorment là, dans le bois de la vieille barque. C'était avant que naisse le soleil, qu'ils allaient courir la mer tous les deux, n'ayant que les nuages pour guider le voyage et les étoiles dans les yeux. Où sont les matins bleus, les grands oiseaux jouant avec eux à cache-cache au creux des vagues, quand la barque et le marin regardaient naître ces matins à l'heure où mouraient les étoiles. Le vieux marin n'est plus, la vieille barque est restée là. Elle attend sans doute une vague qui alors l'emportera pour lui faire faire ce jour-là, à son tour, un dernier voyage.